J'ai ma peau toute retournée, car mes émotions sont chamboulées. Je ne sais plus quoi penser. Tout ce que je croyais s'est évaporé. Tout ce qui fut construit se détruit. Et j'ai mal et j'ai peur de n'être plus qu'au final je ne suis plus celui que tu as connu hier. Diffère aujourd'hui et demain, existerai-je encore pour toi? Peut-être. En souvenir, en illusion, déçu, je t'ai aimé, je n'aimais que toi, une illusion. De la poussière, de la poussière hier. Je t'aurais voulu heureuse, je t'aurais voulu aimant la vie. Je pensais que t'aider te changerait. Te grandirais, te sortirais de ce schéma de désolation, de dégoût de la vie. De ce morfond de rester sans ambition, sans envie de l'instant, toujours croire que le bonheur est dans le futur et ne pas profiter de maintenant, maintenant. Je t'aurais voulu maintenant, maintenant, là, maintenant. J'aurais voulu là maintenant, maintenant, maintenant. Je t'aurais voulu là maintenant.